Chapitre 8. Il partit un matin, décomposé, mais avec assez d'énergie pour ne pas pleurer. Jean Pierrand fut étonné de l'attitude de sa femme. Tous deux étaient allés conduire le garçon à la gare. Indifférente, enjouée, elle parla tout le long de la route, trouva même l'occasion de rire, laissa le train démarrer sans un seul élan vers la portière, où s'agitait avec désespoir un petit bonnet bleu de laine. Mais en rentrant à la maison. Me v'là aller chez mon oncle, tandis que tu seras à la pêche avec ton nouveau matelot. Mais ne m'espère pas cette nuit pour dormir avec toi. Ce sera ta fantaisie, Clémence. Mais cette parole me fait bien voir qu'il était juste temps pour la partance du petit. Crois ce que tu voudras, Pierrand. Ce que t'as fait n'est pas bien. Je ne t'en dis pas plus long. Elle voulait jusqu'au bout rester calme, avec un cœur dévasté par le départ. Quel effort pour y parvenir. Seule et portant son panier, elle partit sans saluer son homme, qui ne montait à bord qu'une heure plus tard. Il hochait la tête tristement, mais se disait qu'il avait sagement agi. Dans leur petit escalier, il la rappela pour lui déclarer « J'aurais mieux aimé que tu jettes ta goulée, plutôt que de te voir rester sec comme vent de nord. Mais ton oncle est un homme d'âge, et ses avis vont bien faire. Et tu me rarriveras demain, ou après, avec un meilleur minois et le cœur à sa place. » « Oui, oui, » jeta-t-elle ironiquement. Il pleuvait noir sur la fin de l'année. Au premier tournant de la route pourrie, la rejoignit Chausselin qui guettait. La joie qu'elle eut de l'embrasser à pleine bouche sous l'averse, en pensant à son mari, lui tint lieu d'amour et de désir. Avant d'arriver à la ferme où ils se séparaient, ils découvrirent le coin de grange dans lequel s'abritaient. « Je rentre pas cette nuit, Marie. J'ai frayeur de mon cornard d'homme. Maintenant que le fils Lecointre est parti... » Retenant un sanglot sur ces derniers mots, elle dut cesser de parler. « Oh, Clémence, j'allons pouvoir passer la nuit là. Deviendrais-tu bête et tout? Faut que mon oncle sache où je dors pour que, si ça arrive, enfin, tu me comprends. » « Oui, » répondit-il d'une voix blanche. Ensuite, l'oncle et son étonnement, son embarras. « Où que tu veux que je te loge, ma petite fille? Ici, ne suis qu'un homme de louage, rien n'est à moi. Je ne peux pas te coucher dans mon lit d'écurie. » Ce fut là pourtant qu'elle reposa, les maîtres de la ferme étant peu hospitaliers. Le vieux se roula dans le foin, à deux pas. Le tout était de créer un précédent. La poissonnerie s'agitait. « Où qu'elle est passée la pirane qu'on ne la voit brun ce matin ?» Rapprochant cette disparition du départ de Gabriel, les commères inventèrent. Clémence était partie avec le petit. Certains avaient bien cru voir dans ses yeux qu'elle en était folle. L'humeur sombre de Pierrand frappait aussi tout le monde depuis quelque temps. Les façons de Chausselin avec sa femme, cette promenade qu'ils avaient ouvertement faite ensemble, l'histoire s'arrangeait mal. On ne comprenait pas. Une odeur de tragédie dilatait toutes les narines. En revenant de sa fugue de deux jours, Clémence Pierrand eut le courage d'embrasser son mari. « T'avais raison, dit-elle. Je sens plus à l'aise à nous deux que d'avoir côte à côte ce gamin qui parlait pointu, qu'était point fait pour les malheureux manants comme nous. » Le sourire heureux de son homme ne la fit pas sourciller. Elle laborait de toute sa douleur de n'avoir plus dans sa maison son petit Lecointre, sa chimère aux yeux trop clairs, son rêve, sa poésie, son amour, son espoir. Autour des étals, ce fut le centre du rassemblement des poissardes. « Mon oncle était malaise, je suis allé le soigner. Il n'y a plus que moi sur la terre. »« Mouais !» faisaient les camarades, déçus par cette simplicité. Du reste, elle ne croyait l'histoire qu'à moitié. 6 jours se passèrent, dont la Noël. Le 26 décembre, la pirane fit emplir de poissons encore frétillants son panier ordinaire. « Le cul du temps est noir, » dit-elle à toutes. Elle avait tenu le même propos à son homme. « Il se peut bien que je reste encore un coup dormir à la branche belle. Maintenant que j'ai pris ce rade-là, est plus commode pour moi que de rentrer toute seule à la soirante. » Et le lendemain matin... On le trouva dans son lit, profondément égorgé. L'un de ses anneaux d'or arraché de l'oreille, la barbe toute rouge de sang vomie par sa bouche grande ouverte. Un des carreaux de la fenêtre qui donne sur la grève avait été coupé soigneusement. Nul désordre dans la chambre, aucune trace de lutte. Jean Pirant, de toute évidence, avait été tué pendant son sommeil. La rumeur du port grandissait d'instant en instant. Marchandes, matelots, débardeurs. Parmi eux, Chausselin commentait avec les autres. Commerçants, même des messieurs et des dames. Et la police allant et venant. Quelqu'un sur la route courait jusqu'à la Branche Belle prévenir la Pirane. On attendait son arrivée comme un spectacle. Et les langues? C'est le fils Lecointre pour se venger. C'est le nouveau matelot. Non, c'est lui qui s'est suicidé. Et Clémence qui était justement en campagne. C'est pas la première fois. Oui, mais... Et bientôt, jusqu'au bout de la jetée, ce fut... Oui, mais... Regard détourné, geste réticent. Le soupçon. Quelque chose s'était passé dans le ménage Pirant que personne ne pouvait démêler. Qui qu'elle te prêchait, Chausselin, le jour qu'on vous a rencontrés ensemble? Pourquoi tout le monde lui posa-t-il la question, et avec cet acharnement? Une sueur lui coulait du front. Il n'était pas le seul. Un crime dans la ville, chose extrêmement rare. Et le mystère? On ne connaissait pas d'ennemi à l'assassiner. Tout à coup, « V'là la Pirane !» On s'écarta pour mieux la voir venir. Très pâle, les mains tremblantes, attitude légitime. Une demi-douzaine de bonnes femmes l'escorta dans sa maison. Le monde se massait dans la rue. « J'aime mieux pas regarder !» Il fallut la pousser dans la chambre. « Oh, le pauvre gars, comme ils l'ont installé !» gémit-elle avec un recul devant l'horreur. « Faut y bailler de l'eau des Jacobins !» dit une voix. « Elle va se trouver gênée !» Et le commissaire et les gendarmes et le reste. Le nouveau matelot à disposition de la justice. Une enquête à Rouen. Une enquête dans tous les débits du port. Interrogatoire de la Pirane. « Pourquoi, justement, avez-vous passé la nuit hors de chez vous ?» La ville entière. « Pourquoi, justement, a-t-elle passé la nuit hors de chez elle ?»« Ce n'est qu'un haan dans tout le pays, » dit la poissonnerie. « Il y a une chose qui est drôle dans tout chat. Pour qui qu'elle a justement passé la nuit ?» N'enterrement, pas de spectateurs, rien que des assistants. Les événements vont vite. De l'enquête de Rouen, il ressort que le jeune Lecointre est arrivé malade chez lui, qu'il était alité pendant tout le drame. Le nouveau matelot a fourni un irréfutable alibi. La Pirane est arrêtée. La logeuse du gars Chausselin témoigne. Sortait 3 nuits sur 5 depuis plus de 2 ans, sans jamais dire où il allait. Cette nuit, comme beaucoup d'autres, était également sortie. Marie Chausselin est arrêtée. On patauge dans l'inexplicable. Gabriel, Gabriel, pense la Pirane pour mieux se raidir dans la bourrasque. Prison préventive de Pont-l'Évêque. Honfleur et toute la contrée accuse la veuve. Pas de preuves, on va relâcher Marie Chausselin. On met la Pirane en liberté provisoire. Une lettre anonyme au parquet. C'est Marie Chausselin, poussez-le bien et il avouera. Le cuisinage de Chausselin commence, lent, méthodique et sûr. La Pirane a tout risqué pour sortir de là. Sa lettre, composée avec des caractères d'imprimerie découpés dans le journal, la mettre à la poste sans être vue, a demandé du génie. Tant pis pour tout, si Marie Chausselin la vend... Marie Chausselin ne la vend pas, il l'aime. Il ne la vend pas, mais il finit par avouer, parce que la machine implacable a bien fonctionné. C'est moi qui l'ai tué, j'aime sa femme. J'espérais qu'on ne me prendrait pas, qu'elle l'ignorerait toujours, et que je pourrais l'épouser plus tard. On lui a tiré cela, pauvre bougre, malgré le manque de preuves qui le sauvait. Mais on ne lui tirera pas que la femme était complice. Tout le monde sait pourtant qu'elle était complice. Elle attend la suite. Que c'est long. Allez voir à Rouen ce que pense Gabriel. Quelle secousse pour lui, mais il l'aime toujours. Il était malade dans son lit, malade de l'avoir quitté. La cour d'assises. Marie Chausselin est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Les circonstances atténuantes sont obtenues par son avocat, qui accuse péremptoirement Clémence Pirand de l'avoir poussé. Pas de preuve. Personne n'assiste au départ de Marie Chausselin pour le bagne. La Pirane non plus. Qu'il parte. Il faut attendre encore avant d'aller à Rouen. Ne pas compromettre Gabriel, même par un bout de lettre. Pourvu qu'il ne croie pas ce maudit avocat qui a dit... La vérité, qu'il ne sache jamais la vérité. Sa mèche blonde, ses naïfs yeux, couleur d'eau, ses cils noirs, sa belle ligne de fin matelot. L'aimer, être aimé. Une adoration de mère et d'amante pour ce jeune être dont la race étonne, écrase et charme. Les gens du port ne saluent plus la Pirane. Personne ne lui parle. Elle s'enferme dans sa maison, seule avec l'ombre de son homme égorgé. La réprobation qui l'entoure l'aidera merveilleusement à quitter le pays sans éveiller les soupçons nouveaux. Elle attend. Les enfants maintenant se signent quand elle passe, les vieux aussi. Arrive un matin la nouvelle. Marie Chausselin est mort à bord du bateau qui transportait les forçats, mort de chagrin. A-t-il compris ce que personne n'a compris? Le mari tué, l'amant au bagne, pour quel troisième tout cela? Il a dû réfléchir dans sa cale avec ses fers aux pieds. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Il n'a pas vendu la Pirane. Peu de jours après, les poissonnières et les matelots promenèrent dans toute la ville un mannequin à l'image de Clémence Pirand et brûlèrent cela solennellement au pied de la lieutenance parmi cris et menaces. Il était temps de disparaître. Quittée Honfleur, elle ne sentit pas cet arrachement. Pour aller se perdre dans Paris, elle passait d'abord par Rouen, par la maison de Gabriel. Elle y apprit de domestique, avant d'être chassée honteusement, que le petit s'était embarqué comme pilotin et qu'il avait dit en partant qu'on ne le reverrait probablement jamais. La vérité. Le jeune Lecointre a deviné la vérité, comme l'autre sans doute. Paris, le désespoir. Des curieux la découvrent, de longues années plus tard, patronne d'un petit café dans un bas-fond de la Villette. Une proue de barques faisait l'enseigne et les murs étaient entièrement incrustés de coquilles de moules. Dans les yeux encore beaux de la grisonnante poissarde, hantait toujours un rêve. Avec la nostalgie déchirante de sa ville changeante d'ardoise. Au bord de l'estuaire, jamais le même.